Premier livre des rois, chapitre 4. Le roi Salomon donc fut roi sur tout Israël. Et ceux-ci étaient les principaux seigneurs de sa cour, Azaria fils de Tsado sacrificateur, Elioref et Ahija enfant de Sisa, secrétaire, Jehozapha fils d'Ahilu, commis sur les registres, Benaja fils de Jehojada avait la charge de l'armée, et Tsado et Abiathar étaient les sacrificateurs, Azaria fils de Nathan avait la charge de ceux qui étaient commis sur les vivres, et Zabul fils de Nathan était le principal officier, et le favori du roi, et Ahizar était le grand maître de la maison, et Adoniram fils d'Adda, était commis sur les tribus. Or Salomon avait 12 commissaires sur tout Israël, qui faisaient les provisions du roi et de sa maison, et chacun avait un mois de l'année pour le pourvoir de vivres. Et ce sont ici leurs noms. Le fils de Hur était commis sur la montagne d'Ephraïm, le fils de Deké sur Makat, sur Saalbim, sur Betsem, sur Elon de Bethanan, le fils des Zed sur Arubot, et il avait Soko et tout le pays des fées, le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor, il eut Tafat fille de Salomon pour femme, Baana fils d'Ailu avait Ahanak et Megiddo. Et tout le pays de Betséan, qui est vers le chemin tirant vers Tsartan au-dessous de Jisréel, depuis Betséan jusqu'à Abel-Mola, et jusqu'au-delà de Jokmam, le fils de Gébé était commis sur Ramoth de Galaa, et il avait les bourgs de Jair fils de Manassé en Galaa, il avait aussi toute la contrée d'Argob en Bazan. 60 grandes villes murées, et garnies de barres d'airain, Ahinadab fils d'Ido était commis sur Mahanajim, Ahima, qui avait pour femme Basmat fille de Salomon, était commis sur Naphtali, Baana fils de Cusaï était commis sur Azé, et sur Alot, Jehozapha fils de Paruha, sur Issachar, Simi fils d'Ela. Sur Benjamin, Gébé fils d'Uri, sur le pays de Galaa, qui avait été du pays de Sion roi des Amoréens, aide au roi de Bazan, et il était seul commis sur ce pays-là. Juda et Israël étaient en grand nombre, comme le sable qui est sur le bord de la mer, tant ils étaient en grand nombre, ils mangeaient et buvaient, et se réjouissaient. Et Salomon dominait sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins, et jusqu'à la frontière d'Égypte, et il lui apportait des présents, et lui furent assujettis tout le temps de sa vie. Or les vivres de Salomon pour chaque jour, étaient 30 cordes fines farines, et 60 d'autres farines, 10 bœufs gras, et 20 bœufs des pâturages, et 100 moutons, 100 les cerfs, les daims, les buffles, et les volailles engraissées. Car il dominait sur toutes les contrées de deçà le fleuve, depuis Tifsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois qui étaient deçà le fleuve, et il était en paix avec tous les pays d'alentour, de tous côtés. Et Juda et Israël habitaient en assurance, chacun sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Beesseba, durant tout le temps de Salomon. Salomon avait aussi 40 000 places à tenir des chevaux, et 12 000 hommes de cheval. Or c'est comme il a pourvoyait de vivre le roi Salomon, et tous ceux qui s'approchaient de la table du roi Salomon, chacun en son mois, et il ne les laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et pour les genêts, au lieu où ils étaient, chacun selon la charge qu'il en avait. Et Dieu donna de la sagesse à Salomon, et une fort grande intelligence, et une étendue d'esprit aussi grande que celle du sable qui est sur le bord de la mer. Et la sagesse de Salomon était plus grande que la sagesse de tous les Orientaux, et que toute la sagesse des Égyptiens. Il était même plus sage que quelqu'homme que ce fût, plus qu'étant Ezraïte, qu'Aimant, que Calcol, et que Darda, les fils de Maol, et sa réputation se répandit dans toutes les nations d'alentour. Il prononça 3 000 paraboles, et fit 5 000 cantiques. Il a aussi parlé des arbres, depuis le cèdre qui est au Liban, jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille, il a aussi parlé des bêtes, des oiseaux, des reptiles, et des poissons. Et il venait des gens d'entre tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, et de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse.